الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله. Donc on va poursuivre. Déjà je m'excuse, ces jours-ci je suis un petit peu pris par le temps, ce qui fait que les durus ne sont plus à l'heure convenue et ils sont assez courts. Inch'Allah, jusqu'à ce que je me stabilise dans ce que je suis en train de faire. Donc toutes mes excuses par rapport à ça. Mais bon, on continue quand même. Donc, la dernière fois, on avait pris deux hadiths qui sont courts, qui sont Al-Adab fil Buyut, le comportement à avoir dans les demeures, et que Allah Azzawajal, lorsqu'il veut le bien à un foyer dans son entièreté, il y établit un rifq, qui est la douceur, entre les membres de cette famille, les membres de ce foyer. Ou Al-Hadith al-Thani al-Ladhi akhazna wa Adab al-Mabit al-Jama'i, qui est le fait de comment se comporter, on va dire, en vie commune. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré dans une maison, dans un lieu de nuit, et que les gens dormaient, il passait salam, un salam assez modéré, de sorte à ce que il ne réveille pas celui qui dorme et qui puisse se faire entendre de celui qui est réveillé. Donc prendre en compte la situation de chacun sans pour autant délaisser ces emblèmes de l'islam qui sont de passer le salam en rentrant. اليوم سنأخذ حديثا آخر ربما نأخذ حديثين parce qu'on va prendre deux. أولا هو آداب الطعام, le comportement à avoir lors du manger. Donc là, c'est l'un des comportements à avoir lors du manger, quand on en a plusieurs. Hada wa al-hadith, nous sommes toujours dans le fossile du al-adab al-islamiyya, les comportements islamiques. Donc là, c'est le 93e hadith du kitab, qui est le 13e de ce fossile. Yaqul an Omar ibn Abi Salama radiallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hajr Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وكانت يدي تطيش في الصحفة وفي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك تعمتي بعد متفق عليه. Donc dans ce hadith, c'est un sahabi qui est Omar ibn Abi Salama. Il dit, j'étais un jeune garçon habitant avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va expliquer pourquoi il habite avec lui. Et que ma main, lors du repas, se dispersait dans le plat. C'est-à-dire qu'il mangeait partout. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô jeune garçon, nomme Allah, ça veut dire dit bismillah, avant de manger. Ça, on l'avait pris dans les askar de ta'am. Et mange avec ta main droite. Et mange de ce qui est devant toi. Et il a dit, cette façon de manger n'a cessé d'être jusqu'à la fin. Ça veut dire, il a appris, il a su, et il a appliqué. Donc, le rapporteur, c'est Omar ibn Abi Salama. Abdillah ibn Abdissal-Assad. Akada, Abdel-Assad, c'était sûrement un mouchrik. Al-Marzoumi al-Qurashi. Rabib al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ummuhu Salama, Zouj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, c'est Omar, qui est le fils de Abu Salama. Et Abu Salama, c'était l'ancien époux de Salama, qui a été l'une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il s'agit de son beau-fils. D'accord? Car lorsqu'il s'est marié de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Salama, elle avait déjà des enfants. Le hadith que je connais, c'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Salama il est mort, elle a fait un doa, elle disait plutôt, et quel donc époux pourrais-je avoir aussi bon que Abu Salama? Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a pris un zikr à faire lors d'un décès. Elle a fait ce zikr, et de là, Allah azawajal lui a accordé un meilleur époux que son ancien époux, car elle était veuve. Et là, elle a eu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme époux. Sauf qu'avant cela, lorsqu'il a voulu l'épouser, elle a dit, elle a donné deux raisons qui la rendaient réticente à cela. Première, elle a dit, j'ai une fille. Elle a dit, Nasallah yarzoukaha, on demandera à Allah qu'il nous accorde le risque pour cet enfant. Et justement, dans ce hadith, ça ne parle pas de garçon. Donc, c'est pour cela que je ne connaissais pas l'existence de cet enfant. Et elle a dit, je suis très jalouse. Et elle a dit, on fera le doa pour que Allah Azawajal minimise de cette jalousie. Car cette jalousie ne disparaîtra jamais. La jalousie, c'est un trait de caractère présent chez l'être humain de base, et il est présent chez la femme, ce qui est tout à fait normal lorsqu'elle est en polygamie. Ce qui est demandé, c'est que cette jalousie n'amène pas à outrepasser les limites. C'est tout. Mais cette jalousie, en réalité, elle est tout à fait noble, car c'est une marque d'amour envers l'époux. Ah, donc là, cet enfant, qui est Omar, était le beau-fils, c'est-à-dire le gendre, du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il s'est marié avec différentes femmes, et il a eu plusieurs sortes de femmes. Je m'explique. Sa première femme, c'était Khadija, comme vous le savez. Et elle était déjà elle-même veuve. Et elle avait déjà... elle était plus âgée que lui. De combien, on ne sait pas. Il n'y a aucun hadith qui affirme de combien elle était plus âgée que lui. Puis Khadija est morte. Radiallahu anha. Ensuite, il a eu... je crois que c'est Saouda ou Aïcha. Je crois que c'est Saouda. Saouda qui également était un peu plus âgée. Après, il a eu Aïcha, qui était la seule épouse Bikr qu'il a eue. Bon, on a déjà parlé par rapport à ça, par rapport à son jeune âge. On a déjà fait une explication par rapport à ça. Et il a eu différentes femmes. Et entre autres, parmi elles, il y avait Salama. Et Salama était une femme qui avait déjà des enfants. Et ce qui prouve que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a été polygame, mais n'a pas fait d'une polygamie, on va dire... c'était une polygamie qui était réfléchie, qui était sage, et qui était surtout compatissante. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de frères, lorsqu'ils veulent se marier en polygamie, ils cherchent tous, en général, la jeune Bikr. Et malheureusement, ils passent à côté de bien l'occasion d'avoir des femmes qui ont déjà été mariées, des Sayyib, qui ont été mariées, qui sont veuves, avec qui ont déjà des enfants. Donc on peut comprendre qu'il y ait une certaine réticence à avoir des enfants qui ne sont pas les tiens. C'est normal. Cependant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Ce qui prouve qu'en réalité, il peut avoir une grande sagesse en cela. D'accord ? Et l'essentiel, c'est de tomber sur la bonne épouse par rapport à cela. La bonne épouse. Car malheureusement, des frères qui veulent se marier en polygamie, qui peut-être ont les moyens, par exemple, des fois ils trouvent des choses, on va dire, ils ont des propositions de femmes, mais ils disent non, elle a déjà été mariée, elle a des enfants, ainsi de suite. On dit, tant, on peut te comprendre, mais peut-être que tu passes à côté d'une perle rare. Une femme qui a déjà été mariée, et qui a des enfants, mais peut-être qu'elle se trouve en situation parce qu'elle est veuve, d'une part, ou alors peut-être que c'est une femme qui a subi des sévices de la part de son ex-mari, qu'on a été libérée, et qui voudrait repartir d'un bon pied avec un homme droit, par exemple. Et, vu ce qu'elle a subi auparavant, on espère d'elle que, vu qu'elle a connu le mal, que lorsqu'un bien va venir, elle saura le reconnaître et s'y accrocher fortement. Et je connais un frère personnellement qui s'est arrivé. Et Nelson, elle est magnifique. Qui s'est marié avec une femme qui a déjà été mariée. Il l'a prise en deuxième. Elle avait déjà des enfants. Son mari était vraiment une personne mauvaise. Elle a souffert avec lui. C'est-à-dire, elle a sûrement se dire que si Allah libère de cet homme-là et qu'elle se marie avec un homme un minimum droit, parce qu'à ce moment-là, ça va pas être difficile. Elle va dire, déjà, si j'ai un mari sunni, salafi, qui a un minimum de comportement avec moi, je suis pas sorti sur le reste parce que j'ai trop souffert auparavant. Et c'est ce qui s'est passé. Le frère me fait des éloges de son épouse, incroyable. Incroyable. Il a dit, j'ai pas vu plus reconnaissant que cette femme-là. Et on dit qu'aux frères qui veulent s'engager dans la polygamie, de ne pas fermer les yeux sur ce genre de femme. Il y en a parmi elles qui méritent justement un soutien, qui méritent de la présence, qui méritent et qui sauront être reconnaissantes pour de vrai. Contrairement à peut-être une plus jeune qui a le choix, qui peut te dire non comme elle veut, elle sait qu'elle est bique, elle est jeune, donc elle peut avoir beaucoup de demandes. Donc elle sera peut-être plus frivole dans ses choix, contrairement à celle qui a vécu. Mais attention, là, on parle de celles qui ont vraiment vécu et qui ont vraiment subi. Car certaines, malheureusement, sont dans une situation similaire par leur faute. Certaines sont divorcées par leur faute. D'accord ? Quand on écoute le discours, c'est un discours de victime, Mon ex-mari m'a fait, mes ex, les ex-maris, c'est tous les fautifs, et elle, mashallah, c'est la perle rare. Ça, c'est en arrière-plan. Mais quand il y a un zoom, et que l'historique est connu, on se rend compte qu'en fait, cette femme-là, c'est elle-même qui s'est mise dans cette situation-là, en ayant adopté un comportement inapproprié avec ses époux qui amenaient à des séparations. Et elle se retrouve seule. Mais en réalité, cette solitude, c'est elle qui l'a causée. Moi, je parle de femmes qui vraiment ont subi, et qui peut-être même ont patienté sur des hommes horribles. Et il y en a. Et c'est une occasion pour elle de pouvoir refaire sa vie, donc que les frères ne soient pas trop restreints dans leur choix, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils savent qu'il y a des femmes à la khayr, d'accord, parmi les sayyib, et que le Nabi Salem l'a fait. D'accord, l'a fait. Donc ce n'est pas négligé. Mais attention à celles qui sont les victimes. Ça veut dire que tu écoutes leur discours, elles ont subi tout le mal de la terre, les ex-maristes que des méchants, et en fait quand tu la connais, tu te rends compte qu'en fait, bah, au bout d'un mois, elle demande le divorce parce que tu l'as contrariée, parce qu'elle a été vexée. Celle-ci, je ne fais pas de ces femmes-là. Nassallah yaftah alayhinna. Mais ces femmes-là, voilà, c'est pas des femmes qui sont chez Akira ou qui, voilà. Ben, je parle de femmes qui ont vraiment subi, on a entendu des histoires, on a déjà reçu des mails, des histoires qui posent des questions, avec des histoires qui font mal au cœur, malheureusement. Et ça existe. Et malheureusement, des frères, lorsqu'on propose, par exemple, il y a ça, ils disent non, mais elle a déjà des enfants, et kaza, et kaza, et kaza. Donc on dit réfléchissez à deux fois. Des fois, vous passez à côté d'une perle rare. Et cet enfant-là, eh ben, il peut être comme cet enfant-là dans le hadith, il peut apprendre de toi, profiter de toi, et trouver, même si tu n'es pas son père, certes, trouver un équilibre dans un foyer, car la présence masculine est très importante pour lui. Surtout si c'est un garçon. Parce que le garçon sera amené à sortir, et la mère ne pourra pas le contrôler plus tard. Quand il est petit, mashallah, mais quand il arrive à l'âge de 10, 11, 12, il sort, la mère n'est plus là pour le surveiller. Donc s'il y a un homme avec lui, à ses côtés, c'est encore mieux. Donc ce n'est pas une chose qui en soi, on va dire, c'est un choix à ne pas négliger. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man lariba an sunnati fa laysa minni, celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc on ne dit pas que c'est une sunna en soi de prendre une femme divorcée ou veuve, mais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et s'il l'a fait, il a forcément toujours fait les bons choix dans ce genre de choses. Donc ne pas, comme on dit, se priver soi-même d'un grand bienfait qu'on le pourrait trouver, si Allah Zawajal te permet de trouver une femme qui est à la khayr et qui a besoin de soutien et d'aide. Donc les frères réfléchissent à deux fois dans leur choix et ne se précipitent pas et ne se tournent pas vers ce que tout le monde voudrait prendre en premier. Surtout quand c'est en termes de polygamie. Awakada. Donc cet enfant, vous voyez, masha'Allah, c'était un sahabi, taban, et il a appris et il a compris. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, on leur dimanche pas. Un dimanche de la main droite, il faut le dire sur des années peut-être, à chaque repas, il comprend pas l'enfant. Tu le dis, à chaque fois qu'il mange, tu as dit bismillah, il dit oui, mais il n'a pas dit. Et tu vois que sa main se balade à droite, à gauche. On répète tous les jours, mange devant toi, mange avec la main droite, dis bismillah, dis oui. Un an, deux ans, trois ans passent, il comprend toujours pas. C'est comme ça nos enfants à nous, à notre époque, on est. Voilà. Mais cet enfant-là, les Sahaba, étaient des enfants éveillés, intelligents, et comprenaient très vite. Et quoi qu'il en soit, avec l'enfant, il faut continuer à insister, lui apprendre. Jusqu'au jour où, masha'Allah, il va comprendre, ça va être assimilé. Donc là, le comportement à avoir, c'est avant de manger, c'est de dire « Bismillah ». Car si on ne dit pas « Bismillah », qu'est-ce qui se passe? C'est le shaitan qui mange avec nous. Qu'il faut manger également de la main droite. Pourquoi? Car manger de la main gauche, c'est déjà bourbi shaitan, car que shaitan, il mange de la main gauche. Comme l'a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, à cet homme qui mangeait de la main gauche, il le dit « Kul biyaminik, kalem mastatia, kalem mastatart, ma mana'ahu il kibr ». Un homme qui mangeait de la main gauche, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mange de la main droite. Il a dit, je ne peux pas. Il a dit cela que par orgueil, alors qu'il pouvait. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua contre lui que tu ne puisses plus. Et de là, il n'a plus jamais lever sa main droite. Et il a dit, je ne peux pas, juste par orgueil, juste pour répondre. Wallahi. Donc cet enfant a dit, il n'a cessé de manger de la sorte jusqu'à la suite. Donc là, on va prendre les fawaïd de ce hadith. يقول تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأكل السبيان معه. Donc là, ça montre la modestie et l'humilité du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم du fait qu'il a fait manger l'enfant avec lui. Parce que t'en as, ils disent l'enfant, il va manger ailleurs. Alors que l'enfant, en mangeant avec les adultes, il va apprendre. ثانيا الحرص على تربية السبيان على أخلاق الإسلام وأدابه. Ce qui montre qu'il faut le souci qu'apporte l'islam à l'enseignement de l'enfant et lui apprendre des bons comportements. ثالثا وجوب التسمية على الأكل للأمر بها، ولأن الشيطان يستحيل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. Donc il est obligé de nommer le nom d'Allah Azza wa Jal avant de manger. C'est un ordre, c'est obligé, obligé de le faire. Car Shaitan va manger de cette nourriture si jamais le nom d'Allah n'y est pas nommé. Rabi'an, annahu yaqtasir ala bismillah liyanna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yadhkur ma zada 'alayha. Et qu'on se contente de dire bismillah. C'est pas la peine de dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit bismillah, tu ne feras pas mieux que lui, donc rajouter n'importe rien de plus, si ce n'est peut-être que tomber dans une bid'a. Wallahu ta'ala alam. Khamisan, anna tasmiya idha kanu jama'atan takunu min kulli wahid la yakfi an yusammiya wahidun 'an al-jami'. Et que le fait de dire bismillah, c'est une obligation individuelle, même si on mange en groupe, ce n'est pas une personne qui dit bismillah pour tout le monde, mais chacun doit dire bismillah pour lui-même. Et pour preuve, c'est ce hadith. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut dire, je l'ai dit pour toi, tu n'as pas besoin de le faire. Et pourtant, non. Sadisan, wujub al-akl bil-yamin wa yahrum al-akl bil-shimal liyannahu tashabbuh bil-shaytan. Qu'il est obligatoire de manger avec la main droite, car manger de la main gauche, cela est une ressemblance au shaytan, comme on l'a expliqué. Thaminan, ou sabi'an, innama yajibu ala al-kabir yu'ammir bihi ma yu'ammar bihi al-saghir. Et il dit que ce qui est ordonné à l'enfant est obligatoire pour l'adulte. Vous m'entendez toujours? Il y a du son chez vous? Attendez, parce qu'il y a une petite coupure. Donc, ce qu'on ordonne à un petit de faire, cela prouve que c'est une obligation pour l'adulte. Et ce qui est haram pour l'adulte, on doit empêcher l'enfant de le faire, même s'il est petit. Par exemple, une erreur qui est très répandue chez les gens, dans la salat à la maison, c'est lorsque les gens font salat à la maison, et principalement les femmes, l'enfant passe devant elle, et elle laisse passer l'enfant. On dit, même un enfant, même s'il rampe, rien ne doit passer entre le Moussalli et la Soutra. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat lui-même, et des fois, une brebis voulait passer entre lui et sa Soutra, il s'approchait du mur pour empêcher la brebis de passer. Donc même un enfant, on ne laisse pas passer devant nous. Au pire, la mère le prend, lors de son qiyam, comme si Amil pleure, elle le prend, on a le droit de porter l'enfant pendant la salat, c'est dans le rahma de la religion, et lorsqu'elle fait son recours, elle le pose. Lors du soujoud, elle le pose, et lorsqu'elle se relève, elle le prend. En tout cas, le laisser passer parce qu'il joue, non, on ne laisse pas l'enfant passer devant nous pendant la salat. Du moins entre nous et la sutra. L'enfant ne passe pas. Et cela a été interdit à l'adulte, donc cela, on doit empêcher l'enfant de le faire. Donc tout ce qui est haram pour l'adulte, on doit empêcher l'enfant de le faire. Pareil pour les habits. Quand on dit son petit, on peut l'habiller de telle et telle façon. On dit non, ce qui est haram pour l'adulte, on ne laisse pas l'enfant le faire parce que ça va l'habituer. Donc maintenant, on sait malheureusement dans les choix des vêtements pour les enfants, on est restreint. Donc des fois, on n'a pas trop le choix, je vous l'accorde. Mais d'autres fois, c'est du laxisme de notre part. On habille les petites filles de façon incommode, qui ne convient pas à une femme. Le garçon également. D'accord ? Donc ce qui est haram sur le père, on ne laisse pas l'enfant le faire. Ce qui est haram pour la mère, on ne laisse pas la petite fille le faire, autant que possible. Autant que possible. Qal. Donc comme nous également on mange devant nous, l'enfant il mange devant lui. Comme nous on dit bismillah, l'enfant dit bismillah. Et comme nous on mange de la main droite, on ordonne à l'enfant de manger de la main droite. Maintenant l'enfant, comme vous savez, il n'est pas mukallaf, il n'a pas de péché. Mais nous, on a le péché de ne pas lui avoir appris. C'est comme la salat, lorsqu'on dit qu'on doit ordonner à l'enfant de faire la salat à 7 ans. C'est lui ordonner qui est demandé. S'il ne la fait pas, tu as fait ton ordre. Mais lorsqu'il a 10 ans, il faut le forcer à la faire au point de le frapper s'il ne la fait pas. Si l'enfant ne la fait pas, il n'a pas de péché lui. Mais nous, on sera dans le péché de ne pas avoir appliqué ce hadith et cet ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qal thaminan. Donc l'obligation de manger devant soi, c'est pour ne pas déranger les autres qui mangent avec nous. Car la sunna en islam, c'est de manger à plusieurs, sur un même plat. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une sunna qui est beaucoup délaissée dans les pays comme la France. Tout le monde mange dans son assiette avec son couteau, sa fourchette, ou sa cuillère. À la base, c'est اك الاجتماعي يعني البركه دو مونجمون اون بلوس سي اون سوليوشن بيان دي بروبليم دون لي جون كي سبلين دو فير ترو دو كورس اي دو ترو مونجي انسي دو سويت سي سيت سونا ايتي ابليكي دو مونجي دون ان ميم بلا شاكان دوفون سوا افيك لا مان دروات اون نومون لو نوم دالله عز وجل فو سوري راسازيي افيك موان دو نوريتور اون بلوس سا في موان دو فيسيل سي انكور ان تارفيف بور لا pour le pour les tâches ménagères, ça fait moins de vaisselle, c'est plus rapide, c'est plus pratique. Il y a que du khayr derrière, malheureusement, bah c'est pas trop appliqué. Et également, c'est un mauvais comportement d'agir de la sorte, de manger devant les autres. Tasi'an fihi dalil ala ma kana ali as-sahaba bin al-amal bil ilm, ce qui prouve les sahaba comment ils étaient les sahaba qu'ils appliquaient le ilm qu'ils avaient acquis. Et là, depuis l'enfance, depuis petit, ils agissaient selon les hadillah. طيب. ثم نأخذ الحديث الرابع وتسعين وهو الرابع عشر 93e hadith du kitab, qui est le 14e de ce kitab. Adab et sharab. Maintenant, le comportement à avoir lors de la boisson. Et ce hadith qu'on va prendre est valable pour la boisson et pour le manger également. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que Allah est satisfait du serviteur qui le loue après avoir mangé ne serait-ce qu'une bouchée et qui le loue après avoir bu ne serait-ce qu'une gorgée. C'est-à-dire on loue Allah عز وجل pour ce qu'on a mangé aussi peu soit-il et pour ce qu'on a bu aussi peu soit-il. Donc vous savez, c'est la sunna de dire Alhamdulillahi après avoir bu ou mangé. Maintenant, il y a une chose que les gens y font, c'est quand ils rotent, par exemple, ils disent pardon ou autre. Il n'y a aucun dalil sur cela. Aucun dalil sur le fait de dire soit Alhamdulillah ou de dire Astaghfirullah après avoir roté. Il n'y a rien. Cependant, bien sûr que roter est un son qui est dérangeant et qui peut dégager des odeurs, donc on évite. D'ailleurs, il y a un hadith qui est venu, par contre, je ne me rappelle plus de son degré d'authenticité, où un homme avait roté en présence du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Épargne-nous tes rots en fait. » Après le hadith, je ne me rappelle plus de son jugement. Donc bien sûr, quelqu'un qui a mangé ou quoi, il ne va pas se mettre à faire des gros rots devant tout le monde. Ce n'est pas un comportement, même simplement selon le urf, les coutumes des gens, qui soit noble. D'accord ? Ce n'est pas noble de faire cela. Évidemment. Mais quoi qu'il en soit, le fait de dire pardon, si tu dis pardon, c'est peut-être du fait que tu as roté sans faire exprès, tu as dérangé les gens. Bon, là, c'est possible. Mais de croire que c'est une ibada comme le fait de dire Alhamdulillah, quoi, ça non. Il n'y a aucun dalil, en tout cas à ma connaissance, sur cela. Mais évitez, bien sûr, de déranger les gens avec ce genre de bruit et autres. Donc, ce qu'il faut retenir du hadith, c'est lorsque tu as mangé, avant de manger, tu dis Bismillah. Et avant de boire également. Et on mange de la main droite, tout comme on boit de la main droite. On avait pris auparavant dans les hadiths que lorsqu'on boit, on boit trois gorgées. On ne boit pas d'un trait. Pour pouvoir respirer entre chaque cycle de boisson. Et une fois qu'on a bu, et si la sunna c'est de boire assis. C'est mustahab, c'est recommandé de boire assis. Et on avait expliqué également qu'il ne fallait pas boire au goulot, dans une bouteille dans laquelle tout le monde boit. Si vous vous rappelez bien, on est pris au début du kitab. Boire à la bouteille. Mais c'est la bouteille à toi. Il n'y a que toi qui bois dedans, tu as le droit. Maintenant, c'est une bouteille commune, on ne boit pas à la bouteille. Et il est recommandé de boire assis et non pas debout. Et pareil pour la nourriture, de manger assis et non pas debout. Et là, ce qu'on retient de ce hadith, c'est qu'après avoir mangé ou bu, on dit Alhamdulillah, on le loue pour ce bienfait qu'il nous a accordé de la nourriture et de la boisson. Yaqul fawaid al-hadith, donc les enseignements de ce hadith. إثبات صفة الرضا لله تعالى. Ce hadith affirme l'attribut de الرضا qui est la satisfaction, l'agrément. Que Allah عز وجل est satisfait ou que Allah عز وجل agrée des choses. ثانيا استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. Qu'il est recommandé de dire الحمد لله après avoir bu ou mangé. Et ne pas faire l'erreur comme beaucoup ils répètent, ils disent Hamdullah. Ça veut rien dire Hamdullah. Abdullah, ça veut dire louange d'Allah. Et non pas la louange pour Allah. Donc on dit Alhamdulillah. On ne dit pas Abdullah comme les gens disent. C'est comme Astaghfirullah. Les gens disent, ils disent Astaghfirullah. Ça veut rien dire Astaghfirullah. Même comment ils l'écrivent. Hein. Comme ils l'écrivent, ça n'a aucun sens. On dit Astaghfirullah. Le verbe c'est Istighfara. Istighfara yastaghfiru. Et toi tu dis Astaghfiru Allah. Je demande pardon à Allah. Il y a également Thalithan أن حمد الله عقب الأكل والشرب من أسباب رضا الله عن العبد. Que le fait de dire الحمد لله après avoir bu ou mangé, c'est une cause d'obtention de l'agrément d'Allah. C'est un acte tout simple, mais qui peut apporter beaucoup pour le serviteur. رابعا من آداب الشرب الشرب عفوا الواردة في أحاديث آخر أخرى عفوا أخرى أخرى. Donc maintenant, il va voir d'autres comportements à voir. Lorsque l'on boit. Donc on les a expliqués auparavant, le fait de dire Bismillah avant de boire également, de ne pas souffler à l'intérieur du récipient dans lequel on boit, ça on l'avait pris également auparavant, de boire trois fois, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir respirer, et le fait de boire en étant assis. Non. Azalazir khazna min hadain hadithay. Donc pour revenir, comme je l'avais annoncé sur le canal, il y a une vidéo qui fait polémique actuellement, qui tourne, partagée, d'un homme dont j'ai pas envie de pour pas que les gens aillent chercher à y regarder, c'est pour ça qu'ils sont pas au courant, franchement vous avez rien à apprendre, mais c'est juste un homme qui était anciennement, ou qui prétendait être anciennement salafi, qui aurait soi-disant étudié après le Coran par cœur, kaza, qui a fini par apostasier, redevenir nasrani chrétien, et sur qui il y a un buzz actuellement, parce que vous savez très bien que les koufars, ils aiment trop ça. Dès qu'il y a un apostat, khalas, il est invité, on y parle. Par contre, quand on est chez eux qui rentrent en islam, on n'entend pas trop parler d'eux. Avez-vous déjà entendu parler de prêtres, ou de gens de religieux, ou de rabbins? Parce qu'il y en a eu, mais on n'a pas beaucoup. Les rabbins, là, c'est pire encore. Parce que les juifs, c'est rare qu'ils rentrent en islam. C'est rarissime, mais il y en a. Avez-vous déjà vu des gens de la sorte être invités? Je parle pas de gens qui, à la base, sont des stars et qui sont convertis à l'islam. Je parle pas de cela. Eux, ils ont une cause d'être invités pour leur sport, pour leur musique, ou pour leur ce qu'ils nomment étant leur spécificité. Moi, je parle de quelqu'un qu'on invite spécialement pour sa conversion à une religion. Avez-vous déjà vu des gens qui ont été invités ou qui ont été interviewés par des journaux pour leur entrer en islam? Moi, je connais pas. Mais étrangement, dès que c'est un musulman qui apostasie, qui devient... je ne sais quelle religion, alors là, les projecteurs sont sur lui. Voilà, on sait très bien c'est quoi leur but. Hein? C'est de dire, ah ben regardez, mais malheureusement pour eux, quelque part, ces gens-là, de l'apostasie, ils nous font un travail, mine de rien. Car par leur cause, eh ben ils font fuir de l'islam les gens qui auraient été des mounafiqoun s'ils étaient rentrés avec nous. Parce que les gens, vraiment, voilà. Et en même temps, ils nous permettent de filtrer nos rangs. Et que les gens qui vont regarder ce genre de personnes et être attirés par l'islam, c'est des gens dont on espère vraiment une grande sincérité. C'est comme lorsque vous voyez ces histoires d'attentats, comme le 11 septembre, qu'ils ont fait pour faire fuir les gens, et les gens sont rentrés à foi à Jah, Fidinillah Azawajal. Ils ont attiré encore plus de monde. Donc on leur dit, en réalité, vous rendez même pas compte, mais de vous-même. Vous faites le travail de vous-même. Et le fait que vous invitiez ce genre de personnes et autres prouve que l'islam grandit et ça vous fait peur. Sinon, vous n'avez pas besoin de faire ce genre de manigances. Quoi qu'il en soit, cette personne-là impressionne les gens parce que, soi-disant, c'était un talib al-ilm, donc il a appris beaucoup de choses, et il a rendu Nasrani. Donc, on vous rappelle un hadith qui a été rapporté selon Anas ibn Malik, قال, rapporté par Muslim, كان رجل نصرانيا فأسلم فقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا وكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبته له وكتبت له فأماته الله فدفنه فأصبح قد لفظته الأرض فقالوا هذا في محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فرقوه فحفروا له وأعمقوه فأصبح قد لفتته الأرض فقالوا هذا في محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فلقوه فحفروه وعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفتته للأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقاه. Il y avait un homme qui était à la base Nasrani, qui était un homme kitabi, des gens du livre. Cet homme-là avait appris Surat al-Baqarah. Il avait appris Al-Imran. Et il écrivait le Wahi. C'est-à-dire, lorsque Allah Azzawajal mettait le Wahi, il était parmi les privilégiés, qui, les notables, les scribes du Nabi Sallam, qui écrivaient le Coran sur des supports. C'est pas tout le monde qui l'a fait, ça. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a fait. C'est que des gens qui avaient un haut rang. Même parmi les Sahaba, les plus élevés parmi les Sahaba qui l'ont fait. Ce n'est pas tous les Sahaba qui l'ont fait. Et cet homme-là a fini par apostasier et redevenir Nasrani, redevenu chrétien. Et lisait, Mohammed ne connaît rien à part ce que moi je lui écris. Donc regardez l'orgueil, l'arrogance. Et de là, cet homme-là est mort. Allah Azzawajal l'a fait mourir. Donc ces ashab, c'est-à-dire les Nasara, les chrétiens, à la base on ne dit pas chrétien. Le mot chrétien en réalité, ce n'est pas un mot correct à dire. On dit Nasara. D'accord ? Nasara, Nasrani, c'est le singulier. Nasara, c'est le pluriel. Dans le Coran, c'est comme ça que l'a dit, parce que chrétien, ça revient à Christ, c'est le Messie. C'est le Messihiyoun, on dit en arabe. Et c'est un terme qui n'est pas venu dans les textes. Ce qui est venu, c'est Nasara. Et je pense que c'est Nazaréen, ils disent en français. Mais comme c'est un terme qui est oublié, que peu de connaissent, voilà. Mais en vrai, ça se dit pas chrétien. Donc, cet homme-là était enterré. Et au matin, les autres Nasara ont trouvé le corps de cet homme sur le sol. Ils ont dit, ça, c'est Mohammed et ses compagnons. Lorsque cet homme a fui d'eux, par esprit de vengeance, ils l'ont déterré, ils l'ont mis sur le sol. Donc ils l'ont réenterré un peu plus profond, un peu plus profondément. Le lendemain, ils sont venus, le corps était rejeté par la terre, il était encore sur le sol, à l'extérieur. Ils ont dit, ça c'est Mohammed et ses compagnons. Par vengeance, car cet homme les a abandonnés, ils ont creusé aussi profondément qu'ils pouvaient. Ils l'ont réenterré, en se disant là, personne ne pourra le déterrer. Ils sont revenus le lendemain, l'homme était encore étalé sur le sol. Ils ont dit ça, ce n'est pas le travail d'un homme. Ils l'ont laissé comme ça. Et là, ils ont compris que c'était Allah Azzawajal qui avait fait ordonner à la terre de rejeter ce corps. Donc pour ces gens qui seraient impressionnés par ce, excusez-moi le terme, ce mariole, qui se farfaronne à avoir étudié El Medina, d'avoir pris le Coran par cœur et d'avoir connaître la langue arabe de façon, bon, un tas de blabla, un tas d'arrogance. Et que maintenant, comme il a connu tout ça, ben, c'est-à-dire qu'il a fait le tour de l'islam et qu'il connaît, et comme il n'a rien vu, ben, il est redevenu Nasrani, il a apostasié. Après, il a sorti ses raisons qui sont vraiment absurdes. D'accord ? Regardez une chose, ces gens-là, quand ils parlent de l'islam et qu'ils parlent des muslimines, ils ne parlent jamais de tawhid. Ils disent tout le temps, les musulmans, ils font ça, ils font ça, ils font ci, ils font ça. Jamais disent c'est quoi le cœur de notre croyance. D'accord ? Même sans apostasie, ils sortent des choses sur l'islam, qui reprochent à l'islam, mais jamais ils ne parlent de notre vraie croyance. Donc ça se demandait, est-ce qu'ils l'ont vraiment comprise de base avant d'apostasier ? Parce que quand on a compris le tawhid, et que le tawhid entre dans le cœur de la personne, il n'en sort pas, il est incha'Allah. C'est une chose qui est trop élémentaire. Ça c'est un manque qu'il y a justement, c'est que lorsqu'on fait rentrer les gens dans le tawhid, par le tawhid, l'islam est d'office, Inch'Allah Ta'ala, compris. Et ça, c'est un manque qui est chez beaucoup d'entre nous, c'est le tawhid. D'ailleurs, par exemple, vous voyez les gens qui font ce qu'on appelle les débats interreligieux, ils débattent avec les Nasara pour montrer que leur livre, il est faux. On dit cette façon de faire, elle n'est pas vraiment profitable. Car le fait de lui prouver que son livre est faux ne va pas forcément indiquer que ton livre à toi, il est vrai. D'accord ? Il se peut qu'ils disent, bon, j'arrête la Bible, ça veut pas dire que pour autant qu'il va dire, ça se trouve, il va dire, mais le Coran aussi, je vais trouver les contradictions alors. Et il peut en trouver en français. Parce que le français n'est pas vraiment fidèle à la langue arabe telle qu'elle est. D'accord ? Mais en réalité, quand tu l'appelles le tawhid de base directement, qu'est-ce qui va se passer ? Par le tawhid, il va comprendre que son livre est faux. D'accord ? Il saura qu'il y a des vérités dedans, qui coordonnent avec le tawhid, mais le reste, il verra que c'est faux. Donc en fait, tu fais un travail d'emblée. Et dans le Coran, Allah dit « Yahal kitab, ta'alaw ila kilamatin sawa'in baynana wa baynakum ala na'buda illallah, wa lan shirka bi shay'a, fa in tawallaw fa shahadu anni biannana muslimun. » Dans le Coran, Allah dit bien à son prophète de dire, ô vous gens du livre, venez à une parole égale entre nous et vous, d'accord, de ne rien adorer en dehors d'Allah, de ne rien lui associer. Et que si jamais vous détournez, alors sachez que nous sommes du nombre des soumis. Donc le Nasrani, c'est à ça qu'il faut l'appeler. Principalement l'appeler au Tawhid. et non pas à faire un débat avec lui pour montrer que son livre il est faux, que voilà quoi. Ce n'est pas un mal, si jamais tu connais, tu peux lui montrer, mais la base de la da'wa des gens du livre, c'est sur le tawhid. Et toute personne, c'est le tawhid. T'appelles même un musulman qui a délaissé sa religion, tu l'appelles à revenir, c'est pas le tawhid. Et quand le tawhid il est acquis, et ainsi de suite, t'as un grand espoir que cette personne-là fera un vrai acheminement dans l'islam. Donc en fait, faut pas être impressionné de voir des gens qui prêchent à l'islam, qui appellent plein de gens à l'islam, et qu'en réalité, ces gens-là rentrent dans un islam, on va dire, folklorique, culturel, émotionnel. Donc je vous invite à réécouter la conférence que j'avais faite, parce que les gens, maintenant, quand ils entendent l'islam, ils cherchent des choses qui n'est pas le tawhid. Ils cherchent un bien-être, ils cherchent le repos de l'âme, ils cherchent... Tout ça, c'est des choses que tu vas obtenir, mais ce n'est pas le but de l'islam, en soi. Le but de l'islam, c'est d'adorer Allah seul, sans associé. Et si jamais tu fais cela, là, tu vas obtenir ce bien-être. Là, tu vas obtenir ce bonheur sur terre. Là, tu vas obtenir ce repos et cette paix que tu recherches. D'accord ? Et ça, malheureusement, trop de gens rentrent en islam sur un côté émotionnel. Et quand ils ont une idéologie en tête qui est encore enfouie en eux, qui ne la trouvent pas en islam, et bien ils remettent l'islam en question. Et de là, ben, on voit plein de gens qui apostasient. Parce qu'ils disaient, ouais, je croyais qu'en islam il y avait ça, en fait, il n'y a pas ça. Je pensais que les musulmans étaient comme ça, en fait, ils ne sont pas comme ça, ainsi de suite. Mais celui qui a compris le tawhid, il ne regardera pas les musulmans après, il regardera sa religion. Si même si 10 000 musulmans sont égarés, il ne sera pas à voir. Il dira, c'est eux qui sont dans l'erreur. Le tawhid, c'est une chose qui est claire. Trop de gens se basent sur les actes. Par exemple, plus cet homme-là, il ose dire que dans le hajj, il avait des choses qui étaient immondes de la part des gens. Il dit, alors si les gens ont fait des erreurs, est-ce que ça veut dire que l'islam est une erreur en soi? Et il y a un alim qui le disait, qu'aujourd'hui, si la plupart des gens n'entraient pas en islam, c'est à cause de nous. Hein. C'est à cause du comportement des musulmans. Mais l'islam est intact. L'islam est parfait. D'accord? Donc on s'accroche à notre religion et nos pauvres individus. Et plus un individu est accroché à la religion, et plus on s'accrochera à lui dans le sens où il sera proche de nous. Donc tout ça pour dire, ne soyez pas perturbés par ces gens à chaque fois qu'ils nous mettent devant les yeux pour nous faire douter. Voilà, il n'y a rien à douter. Il n'y a pas à douter. D'accord? Allah Azzawajal nous a donné le plus grand bienfait qui soit, c'est cette religion. Avec le tawhid et la sunna, une fois qu'on y est, on s'y accroche jusqu'à la mort. Quoi qu'il nous arrive, quitte à être pauvre, quitte à avoir faim, quitte à affronter la maladie. De toute façon, Allah nous l'a promis que ça va nous arriver. Ça, on vous le répète à chaque fois. Donc ne pas dire je suis en sang-le-sel, je suis tombé malade. C'est normal. Allah, il t'éprouve, voir si vraiment tu es sincère. Est-ce que les gens pensent qu'on va laisser dire nous croyons sans être éprouvés? Tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé. Et ça, il faut avertir les gens quand tu es en islam. Il faut dire, tu seras éprouvé. Sache-le. Ne crois pas que maintenant que tu es en islam, la vie elle va être belle. Elle sera belle d'un côté par rapport au ressenti, mais par rapport à l'extérieur, tu vas affronter beaucoup de choses. Car maintenant, tu rentres dans la réalité des choses. Cette réalité que beaucoup de gens fuient par l'alcool, par les drogues, par le divertissement. Ils fuient la réalité des gens. Ils veulent faire les autruches, mettre la tête dans le trou. Tu dis, toi, tu sors à la tête et tu regardes et tu affrontes. Avec sobriété, avec irtiseb, avec sobre, et surtout par la foi. Dis tout ce que les gens fuient, toi maintenant, en islam, tu vas l'affronter. Mais noblement, fièrement, et si jamais tu passes, on va dire, ce cap, car le but, ce n'est pas, on va dire, la victoire, bah, c'est de mourir sur l'islam, en fait, tout simplement. C'est ça, la victoire. Voyez ? C'est de mourir sur l'islam. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Celui qui obéit à Allah, son messager, à cette réussite d'une grande réussite. Donc la victoire, en fait, ton combat, c'est toute ta vie. Et de mourir sur l'islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourir qu'en étant en pleine soumission. Donc faites attention. Ne vous faites pas perturber par tout ce buzz, ces polémiques qui ne servent à rien. Ces gens-là, ils n'ont rien. Ils ont les mains vides. Sans quoi ils ne feraient pas tout ce cinéma-là. Mais comme ils voient que l'islam est en train de monter, ils ont peur. Alors ils cherchent à vous déstabiliser et à faire fuir. Mais sachez une chose, quoi qu'ils fassent, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Cependant, Allah veut que sa lumière éclate, n'en déplaise aux kuffar. Et vous soyez fiers que Allah vous ait choisi et vous ait mis sur sa religion. Soyez-en fiers. Mais surtout restez humbles et craignez-le, car tant qu'on est vivant, on n'a pas gagné. Personne n'est à l'abri d'une dérive et d'une apostasie. Et souvent, ces gens-là, vous savez qu'on postasie comme ça, c'est des gens qui, déjà, de base, avaient dans leur cœur un problème. De base. Car la sincérité, elle ne part pas comme ça. C'est des gens qui, de base, même dans leur islam prétendu, devaient être des gens vraiment bizarres. Et ça, seuls les gens qu'ils ont côtoyés peuvent en témoigner. C'est des gens qui devaient avoir des choses bizarres, déjà, de base. Donc vous, si Allah vous a rendu musulman, remerciez-le, défendez sa religion, accrochez vos yeux autant que vous soyez. Protège Allah, ça le protège sa religion, Allah te protégera. Et tu n'as pas à avoir peur du reste à affronter. Quand je parle d'une peur, c'est d'une peur qui t'amène à transgresser. La peur, elle est là, elle est en nous. Mais cette peur-là, on doit la dominer. Pour Allah Azzawajal, ça c'est un combat qui revient à chacun. طيب نكتفي بهذا القدر نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.